3. L'été venait de finir et Valserine habitait, depuis plusieurs semaines déjà, la maison de la mère Marienne. Le fils de la vieille femme l'avait retrouvé couché parmi les buis et les cyclamens sauvages le lendemain du jour où elle avait appris la mort de son père. Elle était toute raidie par le froid et le chagrin, et ses cris de petite fille désolée semblaient ne jamais pouvoir s'arrêter. La mère Marienne en fut épouvantée, et, comme si propre peine eût dû effacer celle de Valserine, elle se mit à lui raconter comment son mari avait été tué par les douaniers. « Il s'appelait Catherine, dit-elle, et il faisait la contrebande de l'alcool. Souvent, il partait pour plusieurs jours avec son cheval et sa voiture. Les douaniers le poursuivaient de tous côtés, mais il était adroit et savait les dépister. Il était hardi aussi, et quand les douaniers le menaçaient, il leur répondait en riant « Aussi longtemps que je serai vivant, je vous échapperai. » Mais voilà qu'une nuit, ils imaginèrent de fermer les barrières d'un passage à niveau qui se trouvait au fond d'une vallée. L'attelage de mon mari, lancé à fond de train sur la route en pente, brisa la première barrière et vint s'écraser contre la seconde. Et lorsque les douaniers accoururent pour fouiller la voiture, ils trouvèrent le corps de Catherine plié en deux sur la barrière. La vieille femme se tordit les mains et, d'une voix pleine de détresse, elle termina en disant « Il était mort depuis 2 jours quand ils me l'ont rapporté. » Les jours passèrent et chacun d'eux emporta un peu du chagrin de la fillette. Maintenant, elle restait de longs moments assise sur le seuil de la maison. Elle se tenait toute ramassée comme une vieille femme, mais ses yeux noirs suivaient le chemin qui s'en allait au pays de Gex et qui se montrait de place en place à travers les pins. Elle revoyait la plaine avec ses routes et ses villages, et sa pensée s'arrêtait sur un arbre tout mince, seul au milieu d'un pré, et que le vent courbait violemment à chaque instant. À présent, elle n'avait plus peur de la mère Marienne. La vieille femme lui parlait tantôt comme à une petite fille et tantôt comme à une femme, et leurs malheurs, si semblables, les unissaient comme un lien de parenté. Le fils de la mère Marienne partait chaque semaine à Saint-Claude pour en rapporter plusieurs douzaines de pipes sur lesquelles il taillait des figures. Il posait sa corbeille sur une petite table qu'il installait dehors, près de la porte. Valserine suivait son travail avec attention et la maison était pleine de tranquillité. Un jour, la mère Marienne vint s'asseoir sur le seuil auprès de la fillette et elle lui dit « Madame Rémy te fait demander si tu veux retourner à la diamanterie. » Valserine secoua la tête pour dire non. Cependant, elle répondit « Oui ». La vieille femme reprit « Tu lui as causé un grand tourment. Elle avait la tête perdue ce soir-là et Gros Goujon ne pouvait pas la décider à rentrer à Saint-Claude avec ses enfants. » Valserine baissa son visage plein de confusion et la mère Marienne ajouta « Elle n'est pas fâchée contre toi et ne demande qu'à te garder comme autrefois. » Valserine ne répondit pas. Elle semblait écouter le léger claquement des pipes que le fils de la mère Marienne rejetait une à une dans la corbeille après les avoir tenues quelques instants dans ses mains, puis, brusquement, elle regarda la vieille femme pour lui demander « Est-ce que les femmes aussi font des pipes ?» Les yeux de la mère Marienne devinrent brillants comme des pierres taillées quand elle répondit « J'étais polisseuse de pipes avant de me marier. » Et comme si toute sa jeunesse lui revenait à la mémoire d'un seul coup, elle parla longuement. Elle parla de la ville de Saint-Claude et du quartier de La Poya, où ses parents avaient été pipiers. Elle dit comment les polisseuses de pipes entouraient leurs cheveux d'un mouchoir pour les protéger contre la poussière de racines de bruyère qui teignait les cheveux noirs en une couleur rose foncé. Elle nommait les jeunes filles d'alors comme si Valserine les avait connues. Adèle portait un mouchoir bleu. Agathe en avait toujours un jaune. Et elle s'arrêta après avoir dit, en relevant la tête, Moi, je portais un mouchoir rouge. Sa main toucha celui qui était sur sa tête en ce moment, mais elle l'abaissa aussitôt, comme s'il lui avait suffi de le toucher pour voir qu'il était de couleur noire. Il y eut un long silence. La mère Marianne semblait regarder maintenant au fond d'elle-même, et son fils avait cessé de gratter ses pipes. Valserine se mit debout. Elle repoussa des deux mains les boucles noires qui recouvraient ses joues, et avec un accent plein de fermeté, elle dit « Je veux être polisseuse de pipes ». La vieille femme se mit debout aussi, et son visage était tout joyeux quand elle demanda à la fillette « Tu aimes donc mieux être polisseuse que diamantaire ?»« Oui, » dit Valserine, « les pipes sont plus belles que le diamant. » La vieille femme prit plusieurs pipes dans la corbeille de son fils et après les avoir fait rouler d'une main dans l'autre, elle les reposa doucement en disant « Le diamant ne sert à rien. » Quelques jours après, le fils de la mère Marianne revint de Saint-Claude avec la réponse que Valserine attendait. La fillette habiterait chez des pipiers qui avaient connu et aimé son père et elle irait chaque jour à la fabrique de pipes au lieu d'aller à la diamanterie. La veille de son départ, elle voulut monter jusqu'à la « chambre du gardien », mais comme elle se dirigeait au hasard du chemin, elle vit tout à coup que la masse de terre qui surplombait la cachette s'était éboulée. Une énorme quantité de sable et de cailloux avait glissé en entraînant la plupart des arbres qui se trouvaient sur la pente. Plusieurs étaient à moitié enfouis et paraissaient déjà morts, tandis que d'autres se penchaient pour s'appuyer de toutes leurs branches contre ceux qui étaient restés debout. Valserine se rappela que la « chambre du gardien » avait été formée par un éboulement et il lui sembla entendre encore une fois la voix de son père quand il lui avait dit « Cette année-là, il y eut un orage si violent qu'il dévasta la montagne et fit de grands dégâts dans la ville de Saint-Claude. » Maintenant, Valserine pouvait partir. La chambre du gardien s'était fermée pour toujours, comme si elle voulait garder le secret du contrebandier. La fillette entra dans sa maison et le dernier souvenir qu'elle y avait laissé lui revint aussitôt à la mémoire. Ses oreilles s'emplirent du même bruissement qui l'avait tant effrayée pendant la nuit où elle attendait le retour du prisonnier. Aujourd'hui, la maison était pleine de clarté et cependant des milliers de voix fines et harmonieuses se croisaient et s'unissaient dans l'air. Et lorsque Valserine les eut écoutées longuement, elle reconnut que le silence avait aussi des voix que l'on pouvait entendre quand on les écoutait. Le lendemain, au moment où Valserine allait partir pour Saint-Claude, la mère Marianne la retint un instant sur le seuil. Elle tenait à la main un mouchoir noir qu'elle lui donna en disant « Prends-le, il te servira pendant le temps de ton deuil. » La fillette eut un mouvement plein de vivacité affectueuse vers la mère Marianne, puis elle mit le mouchoir dans sa poche et rejoignit en courant le fils de la vieille femme qui s'engageait déjà dans le sentier de traverse. Tout était clair dans la vallée ce matin-là et le vent frais déchirait en petits morceaux les nuages qui semblaient vouloir se reposer un instant sur la montagne. À l'endroit où le sentier coupait la route, Valserine vit passer le courrier de Saint-Claude à la faucille et elle ne put s'empêcher d'imiter tout bas la voix du conducteur. « Allons, long, long !» Peu après, le sentier longea le ruisseau du Flumaine et la voix des enfants qui se répondaient à travers la montagne n'arrivèrent plus jusqu'à cet endroit si resserré de la vallée. La fillette suivait le pas allongé du fils de la mère Marianne sans en ressentir de fatigue. Une joie se levait en elle, et c'est à peine si elle entendait le bruit du ruisseau qui courait d'un caillou à l'autre. Ils eurent bientôt dépassé les villages de Croiserette et la Renfile, et, au moment où ils allaient entrer dans Saint-Claude, Valserine remarqua près de la route un bouleau qui s'était dépouillé de toutes ses feuilles pendant la nuit, et elle s'arrêta pour regarder le feuillage qui traînait maintenant à terre comme un vêtement fané. Ils descendirent très vite la rue raboteuse de la Poya et la fillette entra en même temps que le fils de la mère Marianne dans la fabrique de pipes. Elle traversa l'atelier où les scies filaient des sons aigus en donnant une forme aux racines de bruyère. Elle vit voler sur elle et autour d'elle les fins copeaux roulés qui sautaient des établis pendant que les machines à tourner et à percer chantaient comme un essaim de bourdon dans la montagne. Elle remarqua les visages ouverts et pleins d'énergie des ouvriers, et quand le fils de la mère Marienne la fit entrer dans l'atelier des polisseuses, elle regarda sans crainte les femmes, toutes debout et tournées de son côté, comme si elles guettaient son entrée. Elle eut encore le temps de voir le poêle en forme de pipe qui se trouvait au milieu de la pièce, et tout de suite une ouvrière vint la prendre pour la conduire à sa place. L'ouvrière marchait devant, en écartant du pied les paniers qui encombraient le passage, et après avoir aidé la fillette à mettre sa blouse de polisseuse, elle lui offrit un mouchoir de même couleur que celui qu'elle portait. Valserine remercia d'un geste plein de gratitude. Elle eut un sourire qui éclaira tout son visage en repoussant doucement le mouchoir bleu, puis elle tira de sa poche celui que la mère Marienne lui avait donné le matin même, et elle en couvrit aussitôt ses cheveux. Tiré 2. La fiancée. Nouvelle.